Donc je passe la parole à Étienne Anaïm, qui nous fait part de l'expérience des annales. Oui, un peu plus large aussi. Enfin, je vais moins parler de la revue que Guillaume ne l'a fait de tracé, parce que précisément, comme je savais qu'il y aurait déjà un exemple développé, je voudrais parler aussi de choses un peu plus général à propos de cette évolution donc qui dure depuis au moins une dizaine d'années, qui nous occupe tous, c'est-à-dire ces mutations à la fois techniques, politiques, intellectuelles surtout. Et tout ce qu'a dit Guillaume sur la question des pratiques de lecture me semble fondamental. J'aurais pas le temps d'en parler beaucoup, mais je pense que ça mériterait par ailleurs un dossier à part entière, parce que cette évolution depuis une dizaine d'années est encore loin d'être achevée. À mon avis, en fait, on est encore au tout début de beaucoup de choses qui vont changer très radicalement. C'est-à-dire, je pense qu'on a l'impression que les choses ont beaucoup changé depuis 10 ans, mais qu'en réalité, elles vont changer encore beaucoup plus à l'avenir, aussi bien d'un point de vue économique que du point de vue des modes de lecture. Alors, c'est assez difficile d'en saisir tous les contours en temps réel. Après, en même temps, on n'est pas complètement désarmé vis-à-vis de ça. C'est l'intérêt d'avoir une formation en sciences sociales en théorie, c'est-à-dire d'être capable d'avoir un tout petit peu de capacité réflexive et d'auto-analyse des transformations dont nous sommes à la fois les acteurs et puis, pour une part, les objets. Après, il ne faut pas surestimer notre capacité réflexive collective, et je ne voudrais pas non plus faire penser que parce qu'on s'occupe d'une revue, on est en soi compétent pour avoir un point de vue, je dirais, sociologique sur le monde de l'édition. Donc ce que je vais dire aujourd'hui, c'est la formalisation, disons, d'une expérience qui est quand même d'abord une expérience de sens commun, mais à partir de laquelle je voudrais fournir quelques éléments à la discussion. C'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre. Évidemment, ça n'est pas très facile de dire des choses qui n'ont pas encore été dites, et c'est un débat qui a déjà été à la fois très vif, souvent conflictuel. Alors je suis un peu embarrassé parce que comme j'ai beaucoup d'amis qui tiennent pour un certain nombre des positions très différentes sur ce sujet et pour un certain nombre avec de bons arguments, je me suis dit que le mieux c'était qu'aujourd'hui je fasse un coming out et que je me fâche avec tout le monde définitivement. Donc je vais essayer de m'y employer. Avec déjà deux remarques préliminaires sur la manière dont le débat a été posé, disons depuis au moins 2 ans, voire un peu plus. La première, c'est de dire quelque chose de simple, dont je pense qu'ici l'essentiel des collègues le pense, mais qui n'est pas forcément si évident que ça dans mon universitaire, c'est de poser le principe que le centre de gravité de la production intellectuelle des revues savantes est numérique. Et que il s'agit d'une évolution inéluctable, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de retour en arrière, je pense. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer le papier, ça ne veut pas dire que on peut pas, pour toute une partie de l'édition et des formes de consommation et de lecture, avoir un intérêt pour le support papier. Ça ne veut même pas dire qu'il faut passer obligatoirement au tout numérique forcément. Moi, par exemple, je pense que pour des raisons qui sont des raisons, pour le coup, plutôt d'histoire de la lecture et d'histoire de la patrimonialisation, je pense qu'avoir une version papier de ma revue est quelque chose d'important, même si un jour elle devait être résiduelle à 200 exemplaires dans un certain nombre de bibliothèques dans le monde. Mais je dis résiduel pour le cas des annales, c'est-à-dire que il y a eu un temps où les annales avaient beaucoup d'abonnés, mais un temps qui est très ancien, hein. Je veux dire, quand on regarde les chiffres de l'édition des revues scientifiques, en particulier françaises, en histoire, dans les années 70, il y a eu un moment, au début des années 70, dans la première moitié des années 70, les annales sont passées brutalement à plus de 5000 abonnés. Et ça a continué à augmenter. Alors, c'est des chiffres qui nous paraissent étonnants aujourd'hui, mais disons, il y a eu un monde qui était différent. Alors, voilà, si un jour, il y a 200 versions papier uniquement pour des bibliothèques, je ne pense pas que ce soit un problème. En revanche, je pense que ça a un sens d'avoir ce type de consommation-là, de ce type de produit-là, mais que, si on veut être raisonnable, la publication scientifique, à l'avenir, est une publication scientifique en ligne, et que c'est comme ça qu'il faut l'envisager sous ces différents modes. La deuxième chose, c'est que beaucoup de débats autour des questions de l'open access, et c'est un peu ce qui m'embarrasse, beaucoup de ces débats ont pris un tour vif parce que ils avaient un sous-texte soutenu par des arguments qui m'apparaissent de l'ordre de la morale. Non, mais je le dis, c'est-à-dire aussi bien dans quelles que soient les positions qui sont tenues, c'est-à-dire que la dimension souvent manichéenne du débat est le fait que les problèmes étaient posés essentiellement quant à savoir si c'était bien ou pas, de différents points de vue, hein, selon l'acteur qui était engagé, me semble un problème assez sérieux pour parvenir à une clarification du problème. C'est-à-dire que si on pense que les gens qui tiennent la position adverse sont forcément en tort parce que c'est mal de penser ça, je pense qu'une partie de la résolution, disons, sera difficile à obtenir. Alors ça ne veut pas dire que les questions qui touchent aux revues, et en particulier à leur économie, puisque c'est de ça que je voudrais parler, n'ont pas une dimension politique et même une dimension morale, et j'essaierai d'y revenir en conclusion, il me semble en particulier autour de la question de l'équité, et de l'équité de la répartition des ressources, mais que faire, disons, de la décision ou pas de passer à certains modes de diffusion un a priori sur des questions morales ne me semble pas, dans l'état du débat, complètement raisonnable. En tout cas, la façon dont les débats se sont déroulés depuis les dernières années me semble pas avoir témoigné de l'efficacité de cette voie-là. Alors, effectivement, le problème, c'est de savoir quelle est la meilleure manière de diffuser les résultats de la recherche scientifique, tout en assurant la pérennité des dispositifs techniques et des personnes qui permettent cette diffusion. Et diffusion, là, je parlerai essentiellement de la revue dans son sens classique, même si je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Guillaume, je pense que la diversification des supports est un aspect essentiel de ce qui va arriver, et que, aussi bien avec l'exemple d'Academia qu'avec l'exemple du travail sur des carnets ou des sites qui permettent de mettre en ligne, donc aux annales, nous, c'est ce qu'on appelle complément de lecture, mais c'est quelque chose qui existe sur la revue de synthèse, par exemple, sur le numéro sur la musique, avait été, de ce point de vue-là, tout à fait pionnière en mettant un certain nombre de choses en ligne. Je pense que là, il y a un enjeu essentiel qui est encore difficile à mesurer, qui ne se confond pas entièrement avec l'open access. Parce que on peut très bien imaginer des sites qui eux-mêmes soient payants ou disons dont l'accès soit restreint. C'est un enjeu qui peut y être lié, mais ça n'est pas obligé. Donc comment assurer le renouvellement de la force de production en quelque sorte? C'est là qu'on en vient à la question du modèle économique. Modèle économique, une expression qu'on utilise assez souvent dans nos débats, qui désigne couramment l'équilibre des coûts et des revenus, qui permet de faire de l'activité de publication scientifique non pas quelque chose de rentable, en tout cas je ne crois pas que ce soit ici l'objet d'aucun des acteurs, mais quelque chose de viable et quelque chose de pérenne. D'où se pose la question, existe-t-il quelque chose comme un modèle économique des revues? C'est-à-dire qu'avant de dire que le modèle économique des revues est mis en péril par l'open access, la première question c'est de savoir si ça existe. Or, je dirais tout dépend des revues, mais c'est moins clair que on pourrait le penser. Je pense qu'on peut défendre l'idée selon laquelle, en réalité, beaucoup de revues n'ont pas de modèle économique. Enfin, si on entend par là quelque chose qui serait stable. Et je pense que tous les gens qui travaillent dans les revues savent que le temps passé à assurer, disons, la pérennisation de la revue sous la forme de postes ou de financement montre bien que, enfin, je n'appellerai pas ça un modèle économique, personnellement. La majorité des revues, on le sait, repose sur les subventions publiques et sur le bénévolat des chercheurs. J'entends dans les subventions publiques le financement à travers des postes d'ingénieurs ou des postes de techniciens ou de chargés de communication ou de secrétaires. Je redirai un mot du bénévolat parce qu'il me semble que c'est quand même quelque chose d'énorme dans cette affaire. C'est-à-dire que le coût du travail induit par le coût, le travail des chercheurs est quand même un élément dans cette équation qui est très largement l'éléphant dans le magasin. Donc, même les revues qui jusque-là vivaient avec le papier n'ont pas forcément deux modèles économiques, et donc on parlait d'étatisation ou d'autonomie. Dire l'autonomie des revues scientifiques aujourd'hui, c'est une autonomie de toute façon très relative. On est de toute façon dépendant à divers degrés des formes de la puissance publique. La question, c'est à quel degré on se situe dans la négociation avec les différentes incarnations de l'État. Mais on est dans un système qui est un système fondamentalement étatique de ce point de vue-là. Et la preuve, à contrario, il me semble qu'il n'y a pas vraiment de modèle économique, c'est la surprise positives qu'ont éprouvé beaucoup de revues qui étaient peu diffusées quand elles sont passées sur Cairn et qu'elles ont obtenu à ce moment-là des rétributions qui leur paraissaient importantes. Moi, j'ai travaillé dans des petites revues avant de travailler aux Annales et j'avais d'autres collègues qui travaillaient. Alors c'est vrai, et je pense que c'est un des effets très positifs du développement de Cairn. Mais en même temps, quand des responsables de revue sont très contents d'un seul coup de gagner 3000 euros par an, ça laisse penser qu'il n'y a pas un modèle économique derrière. Parce que, dire, en théorie, ça devrait être rien par rapport à l'économie globale dans laquelle on est inséré. Donc voilà, ce que je pense, si vous voulez, c'est que finalement, pour toutes ces revues, les ventes ne faisaient pas vraiment partie de l'équation. Qu'en réalité... On pourra en discuter puisque beaucoup de responsables de revues sont ici. Il y a à mon avis peu de revues en France, en SHS, dont les ventes sont vraiment un élément clé de leur existence matérielle, qui est souvent garanti par d'autres instances. Donc quand on réfléchit à la question du modèle économique, il faut au moins considérer qu'il y en a peut-être plusieurs, voire que pour un certain nombre de cas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans les conditions que je viens de décrire. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire... Alors, maintenant, ceci étant dit, on peut s'intéresser à la question des revues pour qui les ventes représentent réellement une partie importante de leur équation de fonctionnement. Ce qui est le cas des Annales, ce qui est le cas de la revue d'histoire moderne et contemporaine. Alors, évidemment, dans le cas des Annales, on a une situation où la revue a été et est toujours très soutenue par l'École des hautes études en sciences sociales, par le CNRS, qui d'un autre côté a un chiffre d'affaires important, chiffre d'affaires qui permet hors salaire non seulement de couvrir le coût de production de la revue, mais en plus de financer une partie des publications des éditions de l'HESS, ce qui est un aspect crucial dans l'économie de la revue. Donc ce dispositif, évidemment, qui est un dispositif de vase communicant, mais bon, qui fonctionne dans d'autres cas, hein, c'est parce que nous on se situe dans un cas où la revue appartient à une maison d'édition universitaire qui a un périmètre plus large, ce dispositif de vase communicant, évidemment, il est affecté par le développement de la diffusion en ligne. Alors, il est affecté de quelle manière ? Ben, si vous voulez, entre 2008 et 2014, la consultation des articles des Annales en ligne a été multipliée par 6. Dans le même temps, les abonnements ont diminué de 25%. Et le problème, c'est que le chiffre d'affaires de la revue a, lui, diminué dans des proportions bien supérieures qui sont de l'ordre de 5% par an. Ce qui veut dire une chose simple, si la diffusion électronique est très encourageante et que, dans notre cas, on peut dire que le lectorat est au moins stable, voire augmente, et en particulier augmente dans des proportions très fortes pour le patrimonial... Là, je vous renvoie sur la question de la profondeur de champ à ce que Éric Briand avait écrit dans un débat précédent de la RHMC sur cette question de ce qu'offrait aussi la capacité à mobiliser des articles sur une profondeur historique qui n'existait pas jusque-là à travers plusieurs types de portails. Donc si globalement le lectorat augmente, la rentabilité baisse fortement. Donc on peut dire une chose simple, c'est qu'un lecteur papier... Cette unité fictive comptable, disons, que serait le lecteur... Un lecteur papier, rapporte bien moins qu'un lecteur électronique dans l'état actuel des choses. Plus. Un lecteur papier, oui, rapporte beaucoup plus, pardon. Et, c'est encore le papier qui nous fait vivre. Oui, non, mais c'est... Non, mais merci. Donc voilà. Donc chaque nouveau lecteur électronique, chaque lecteur papier qui devient un lecteur électronique, à lui tout seul, représente. C'est comme ça que certaines de ces grandes machines. Tu as tout à fait raison, et certains éditeurs ont réussi à transformer l'un de ces lecteurs dans l'autre, imposant l'agent commanditaire des abonnements à enregistrer une demande à un prix élevé, de telle sorte qu'il était moins cher de prendre un abonnement. Alors du coup, ce que je veux dire par là, c'est que en analysant de près la situation des Annales, la tendance est à l'érosion économique, alors qu'il y a un maintien du lectorat, voire une augmentation du lectorat. Alors pourquoi on a ce phénomène qui, en fait, ne va pas de soi puisque à un moment donné, il y a une dizaine d'années, on a pu vivre dans l'espoir de ce qu'on appelait le croisement des courbes. Et j'ai peur que ça n'arrive pas, en fait. Non, mais je le dis parce que j'y croyais aussi. Alors, je pense que là, on touche la question cruciale des modes de diffusion, et en particulier la question du bouquet. Le bouquet pose de ce point de vue plusieurs problèmes. Bon, on pourrait considérer que le calcul global des péréquations à l'intérieur des bouquets ne sont pas forcément favorables aux grandes revues par rapport aux petites revues, mais là on peut aussi estimer qu'il y a une sorte de solidarité qui fonctionne. Le problème crucial n'est pas là, à mon sens, il est dans ce que je considère comme étant une sous-estimation du coût lors de la conception des bouquets. C'est-à-dire, et ça me semble participer d'une sous-estimation globale du coût de l'édition. C'est-à-dire que, je suis désolé de dire ça, mais on a l'impression que les revues électroniques sont chères et que les bibliothèques sont maltraitées. En SHS, je pense qu'on pourrait défendre l'idée qu'elles ne sont pas assez chères, enfin je dis ça de façon un peu provocatrice, en tout cas par rapport à leur coût de production. C'est-à-dire que la manière dont a été conçu le niveau de vente des revues électroniques me semble très sous-estimé. Et il me semble que d'ailleurs cette sous-estimation, elle est révélatrice de la faible conscience qu'ont les institutions SHS de l'économie éditoriale réelle. Faible conscience de sa dimension matérielle, c'est-à-dire cette idée, et c'est ce qu'on voit aussi quand on parle, je connais des gens qui travaillent dans l'édition privée, commerciale, de livres électroniques, et les gens qui trouvent que les livres électroniques, qui coûtent 25% de moins qu'un livre papier, c'est très cher, parce que on n'a pas le livre. Je veux dire, on est d'accord. Enfin, on sait bien que la question du papier, de l'impression, de la diffusion, c'est une petite partie du coût réel de fabrication. Le vrai coût, c'est le travail. Et ce travail, c'est essentiellement notre travail, le travail bénévole et le travail des secrétaires de rédaction ou des secrétaires qui sont engagés dans la production. Or, cet aspect-là, il est assez largement invisibilisé et il me semble que c'est un des facteurs d'explication de cette jauge qui me paraît trop basse en termes de coût. Ce qui nous conduit à la situation grandement insatisfaisante dans laquelle on est, c'est-à-dire que c'est une situation dans laquelle on fait payer, mais on ne fait pas payer assez pour que ça ait un vrai sens économique, et d'un autre côté, on fait payer trop pour un certain nombre d'institutions ou pour la facilité d'accès, aux résultats scientifiques. Donc, je pense que si le bouquet a été un outil crucial de diffusion, de visibilité, et en particulier par rapport à des revues de petite taille, sur la base en tout cas de ce que je peux constater en termes d'évolution strictement économique, je ne suis pas certain que tel qu'il est pratiqué actuellement, il soit un modèle économique viable à moyen, voire à très court terme. Alors, une fois qu'on a dit ça, que faire, hein, comme dirait Vladimir. La question centrale, Philippe l'a rappelé tout à l'heure, c'est de savoir qui paye le travail. Qui paye le travail, si évidemment on pense qu'il faut continuer à faire un travail éditorial, mais je ne rentre pas là-dedans, tout le monde imagine bien que ma position c'est de penser que les secrétaires de rédaction sont des acteurs essentiels et des actrices essentielles du milieu de la production scientifique. Passer à l'auto-édition collective, mais je ne pense pas que ce soit une solution. Donc là, on a plusieurs variables sur la question de savoir qui doit payer. La variable de l'auteur, qui a déjà été évoquée tout à l'heure par Philippe, c'est-à-dire du modèle de l'auteur-payeur, qui moi aussi me semble, en tout cas dans l'état actuel des choses, peu raisonnable, à la fois pour des effets de concurrence, pour connaître les budgets des laboratoires. C'est-à-dire, disons les choses simplement, les budgets des laboratoires en SHS étant ce qu'ils sont, un dispositif d'auteur-payeur obligerait les revues à demander tellement peu d'argent aux auteurs que de toute manière, ça ne serait pas pertinent en termes, disons, de masse financière globale. C'est-à-dire, admettons qu'on demande 200 euros pour un article, ce qui n'est pas nul, hein, je suis dans un laboratoire où le budget total fixe pérenne doit être de 25 000 euros et où on est plus de 30 chercheurs plus une vingtaine de doctorants. Si on demande 200 ou 300 euros pour un article, dans les annales, on publie 6 articles par numéro, donc ça nous apportera une subvention par numéro de 1800 euros, ce qui n'est pas négligeable. Hein. Je veux dire, on se moque de l'auteur-payeur, il y a quand même plein de gens qui amènent de l'argent aux presses universitaires pour faire financer leur thèse ou leur monographie. Donc c'est pas non plus quelque chose de ridicule. Mais en tout cas, ça ne apportera pas de solution économique, je pense, viable. C'est-à-dire que c'est pas les 1800 euros par numéro et demander... 1000 ou 1500 euros par numéro pour publier dans la revue, ça me semble, outre le fait que ça me semble politiquement scandaleux, ça me semble de toute façon économiquement impossible. Est-ce qu'on doit faire payer les lecteurs? Cette question, elle est quand même importante parce que jusqu'à aujourd'hui, avant que se pose la question de la diffusion numérique, on n'avait quand même jamais pensé à offrir gratuitement les revues aux bibliothèques. C'est-à-dire que... L'argument qui consiste à dire que on paye deux fois, c'est-à-dire on paye à la fois le temps de travail des chercheurs dans les institutions et puis que les bibliothèques publiques repayent, c'est vrai, on peut le discuter, mais enfin c'est l'état normal d'un siècle de production scientifique. C'est-à-dire que jusque-là, personne n'a jamais dit qu'il faudrait offrir gratuitement les annales à toutes les bibliothèques parce que elles ont été financées par l'argent public. Or, c'est pas les coûts d'expédition qui auraient été incroyables. Donc on aurait très bien pu l'imaginer. Donc pourquoi, là encore, c'est un débat qui surgit à propos de cette dématérialisation et pas autrement. Je pense que c'est intéressant sur notre sensibilité à la chose. Je crois que, en tout cas, la question du paiement des lecteurs n'est pas anodine, et elle n'est pas anodine en particulier en termes de territoire de lecture. Et là, j'aurai pas le temps de le détailler, mais... Qu'une revue qui soit payée par la collectivité, la communauté scientifique, soit largement accessible à toute la communauté scientifique, c'est une chose. Qu'elle soit en même temps accessible à beaucoup de pays dans lesquels, de toute façon, il serait impossible de se la fournir autrement, une deuxième chose parfaitement légitime. Que la communauté scientifique et les institutions publiques françaises financent largement des revues qui soient ensuite données gratuitement à des grandes universités privées américaines, c'est quelque chose qu'on peut discuter. Je dis pas qu'il faut pas, mais je dis juste que ça n'a pas de caractère naturel d'offrir à Harvard, à Yale ou à d'autres institutions qui pourraient très bien assumer ce coût gratuitement une revue. Évidemment, le dernier type d'instance possible, c'est la collectivité, c'est-à-dire à travers des postes, des subventions, du bénévolat, ce qui est déjà majoritairement le cas du financement et qui ne va pas s'arrêter. Alors, je pense que c'est là où j'en arrive à la fin de mon exposé. L'édition scientifique est essentiellement une édition publique. Donc la question, c'est quelle est la bonne allocation des ressources publiques dans un dispositif qui préserve à la fois des formes d'équité et des formes de qualité. Je pense qu'il y a au moins deux modèles qui ne sont pas complètement incompatibles. Le premier modèle, c'est celui qui repose sur une augmentation du coût des revues en ligne. Alors, on pourrait augmenter brutalement demain le coût des bouquets. En tout cas, ça fait l'objet d'une discussion possible. On pourrait aussi imaginer des solutions où certaines revues seraient diffusées par des abonnements propres. C'est-à-dire que la revue aurait un abonnement électronique qui, comme l'abonnement papier, la financerait. Ce qui résolverait une partie de la question que j'ai posée tout à l'heure en termes de financement, et qui est la pratique qui est, par exemple, courante sur des portails du type Cambridge University Press. Donc, c'est un dispositif qui, pour certaines revues, par exemple comme les annales, est un dispositif qui me paraît un dispositif à envisager, ou qui du moins mérite d'être réfléchi. Deuxième modèle, qui n'est pas incompatible, je le dis, c'est la question de l'open access dans ses différentes formes. Un modèle qui, dans un certain nombre de cas, est parfaitement pertinent, en particulier si l'effondrement du chiffre d'affaires est tel qu'à un moment donné, on maintient un dispositif payant et des barrières d'accès pour quelque chose qui, financièrement, n'est que résiduel. Donc là aussi, il y a un deuxième point qui me semble un point important à considérer. Vous voyez que j'en suis à partager ma perplexité plutôt qu'à donner des solutions, mais j'insiste, disons, sur l'existence de ces deux voies et de l'articulation possible, en tout cas, de ces deux voies. Mais surtout, je pense, pour conclure, que ce qui me semble important là-dedans, c'est que ça relève d'une dimension collective. Quand je dis collective, je veux dire de ce genre de rencontre. Nous ne sommes pas propriétaires des revues, même quand on les fait vivre. Les revues, c'est aussi un bien commun de la communauté scientifique. Et pour cela, ça veut dire qu'il faut qu'on soit prêt à en assumer toutes les dimensions quand on en discute collectivement. Toutes les dimensions, ça veut dire par exemple la question de l'auto-évaluation ou de l'évaluation collective, parce que moi je pense aussi qu'il est important que les pouvoirs publics soutiennent les revues, mais d'un autre côté je ne pense pas que c'est parce qu'une revue ne diffuse aucun numéro ou qu'elle n'a plus que 15 abonnés que c'est forcément une bonne revue. Je pense que ça existe. Ça existe les revues qui correspondent à des champs qui sont en voie de disparition, en voie d'effacement. Ça existe les revues qui ne sont plus utiles. C'est-à-dire, si on n'est pas capable de se dire ça nous-mêmes et d'en débattre collectivement, alors franchement, il y a un moment donné où ça, tout débat sur les revues deviendra la stricte préservation de l'existant et ça posera là aussi un problème. De même, je pense qu'il est important de réfléchir au développement des études scientifiques, en particulier sociologiques, sur les pratiques de lecture et l'économie des revues. Et puis enfin, et c'est mon dernier point, je pense qu'il est important, je l'ai dit, d'avoir de donner une place plus importante à la question du travail éditorial, le travail des secrétaires de rédaction et aussi le travail des chercheurs, y compris dans le fil de leur carrière. Je crois que quand je dis les revues ne nous appartiennent pas, c'est parce que je pense que la charge des revues doit tourner et que c'est très important que ce ne soient pas toujours les mêmes qui s'en occupent. Et je pense qu'il est important aussi que ceux qui s'en sont occupés aient une reconnaissance pour cela, ce qui n'est pas vraiment le cas pour l'instant. C'est-à-dire, je le dis pour l'éprouver, on en a des rétributions symboliques fortes, des rétributions que les collègues imaginent parfois en termes de pouvoir, mais d'un autre côté, le temps passé dans les revues fait partie des choses qui sont peu valorisées dans les différents dispositifs d'évaluation des carrières de chercheurs. Et de ça, on est aussi responsable, y compris dans nos établissements ou dans les institutions auxquelles on participe en tant qu'évaluateur. C'est-à-dire qu'il y a un modèle non jacobin, si vous voulez, mais public tout de même, qui est possible dans la gestion des revues et dans leur financement.